Donc, on commence, Inch'Allah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on commence aujourd'hui le cours 24 dans le livre de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, qui s'intitule Al-Mulakhas al-Fiqhi, et on est toujours dans Kitab al-Talaq, hein, le livre du divorce. Et on commence aujourd'hui un chapitre dans ce livre, qui s'intitule Babun fi ahkam al-idda. Babun fi ahkam al-idda. C'est-à-dire un chapitre au sujet des règles de la idda. Et la idda, c'est la période qu'une femme doit attendre après que le divorce a été prononcé. Également, lorsque une femme, son mari est décédé, elle doit attendre une certaine période, et cette période qu'on appelle Al-Idda. On a déjà parlé des règles de l'Idda, hein, dans les cours précédents. Lorsqu'on a parlé du divorce, on a parlé un petit peu de l'Idda en même temps, parce que c'est relié au sujet. Donc il y a des sujets qui sont interreliés. Donc tous les sujets dont on a parlé jusqu'à date dans le sujet du divorce, eh bien, la plupart, ils ont un lien les uns avec les autres. On a parlé de raja'a, hein? Raja'a, c'est-à-dire lorsque quelqu'un il reprend sa femme. Tout ça, on en a parlé. Et donc, il y avait un lien avec al-idda dedans. Maintenant, on va voir les différentes règles qui se rattachent à al-idda et les catégories d'al-idda, hein? Les catégories de mu'tadda, c'est-à-dire de femmes qui sont dans des périodes d'idda selon leur cas, selon leur situation, il y a différentes règles. D'accord? Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, Inch'Allah. Naam. Donc le cheikh, il commence et il dit « Min athari talaq al-idda wa yuradu biha at-tarabbus al-mahdoud shar'an » At-tarabbus al-mahdoud shar'an. Donc, qu'est-ce que signifie l'idda? Premièrement, le cheikh, il dit, parmi les effets du divorce, les effets du talaq, parmi ces effets, il y a l'idda. C'est-à-dire qu'une fois que l'homme prononce une fois le divorce, hein, eh bien, la femme entre dans la période qu'on appelle la période de idda, la période d'attente. Et qu'est-ce qu'on veut dire par al-ridda, par al-idda, pardon, je dis ridda, Allah musta'an. Par al-idda, on veut dire at-tarabbus al-mahdoud shar'an, c'est-à-dire la période d'attente qui est délimitée par la sharia, par la révélation. Et il dit wa daliluha al-kitab wa sunnah wa al-ijma'. La preuve qu'il faut que la femme respecte la période d'attente de l'idda, c'est les preuves sont basées dans le Coran. Il y a des preuves de ça dans le Coran. Il y a des preuves de ça dans la Sunna. Et il y a des preuves de ça dans le consensus. Hein, al-ijma'. Et pourquoi le cheikh il a mentionné al-tarabbus al-mahdoud shar'an? Il n'a pas mentionné une période spécifique. Mais il a dit que la femme attend une période déterminée et délimitée par la charia. Parce que selon le cas de la femme, il y aura une période différente de idda. C'est pas tous les cas de femmes lorsqu'elles sont divorcées ou lorsque par exemple leur mari décède, c'est pas toujours la même période qu'elle doit attendre et sa idda sera pas toujours de la même durée ou de la même longueur. Donc c'est ça qui est important, hein, à savoir aussi. Le cheikh il dit wa amma al-kitab fa amma al-kitab fa qawluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin ثلاثة قروء وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة. أما بالنسبة للوفاة فقد قال الله تعالى فيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. Donc, le cheikh, il commence par mentionner les différents temps, les différentes durées et les différentes périodes de idda qui sont établies par le Coran, qui sont établies dans le Coran. Donc, il commence premièrement par, avec le verset 228 dans Surat al-Nis, dans Surat Surat al-Baqarah. 228 dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, Ahmed, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizak Allah. Marhaban bek. Ok, dépêche-toi, inshallah. Parfait, parfait. Wa alaykum salam wa rahmatullah. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Qu'est-ce que ce qui signifie? Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues. Ok? Le qurou, c'est les périodes de menstrues. Ici, ensuite, il y a un autre verset dans Surat al-Talaq qui mentionne d'autres exemples de idda aussi et d'autres. D'autres cas. Donc, Surat al-Talaq, c'est la surat qui s'intitule justement al-Talaq, qui est la surat qui explique certaines règles du divorce dedans. Et dans cette surat-là, le verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, hein, leur délai est de 3 mois. » C'est-à-dire les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause. D'accord? Eh bien, ces femmes-là, elles ne vont plus avoir de règles. Donc, comment on va savoir quand est-ce que leur idda est finie si quelqu'un les divorce, puisqu'elles n'ont plus de règles? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 4, dans Surat al-Talaq, hein, leur délai est de 3 mois. Et il dit également de même que pour celles qui n'ont pas encore de règles, c'est-à-dire de même que des femmes qui, yani vous les avez mariées, elles sont encore jeunes, elles n'ont pas encore eu leurs règles. Donc, comment si quelqu'un les divorce dans ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, yani par exemple, elles vont avoir une période d'idda de 3 mois aussi. Hein? De même que pour celles qui n'ont pas encore de règles. Maintenant, quant à celles qui sont enceintes, hein, la femme qui est enceinte, est-ce qu'elle a ses règles? Non, elle n'a pas de règles. Donc, on ne peut pas calculer sa idda par rapport à un nombre de règles. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est quoi comment on détermine que leur idda est terminée? Eh bien, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, ce qui signifie, quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Donc, leur idda, elle s'arrête, elle termine lorsque elles accouchent. Hein? C'est ça le terme, la fin de leur période d'idda. Et dans, ça c'est, le cheikh dit, ces cas-là qu'on vient de mentionner, c'est lorsqu'il y a une séparation entre l'homme et sa femme pendant que les deux sont encore en vie, pendant que le mari est encore vivant. Et en ce qui concerne la séparation de la femme de son mari à cause de la mort ou à cause du décès, lorsque son mari meurt, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la idda de la femme dont la femme veuve dont le mari est mort dans le verset 234 dans Surat al-Baqarah. 234 dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. D'accord? Donc ça veut dire, hein, que la femme dont le mari est décédé, elle doit, hein, passer une attente de 4 mois et 10 jours. Donc, ça, c'est les périodes d'Idda de la femme. Et bien entendu, on calcule selon les mois Hijri, comme on l'a déjà expliqué, et non pas les mois du calendrier chrétien. Le Cheikh, il dit maintenant l'épreuve de la Sunna. Ad-dalilu min as-sunnati. Hadith Aisha radiyallahu anha qalat. أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجة ولغيره من الأحاديث. Donc parmi les preuves de la sunna, le hadith de Aïcha رضي الله عنها où elle dit Umirat, c'est ici, c'est Umirat. Hein? J'ai dit Amartu, mais c'est plutôt Umirat. Hein? Umirat Barira, anta'tad bi thalathi hiyad. Donc, Barira, qui était l'esclave de Aïcha, radiyallahu anha, que Aïcha a libéré, elle dit, elle a été ordonnée de faire une idda de trois menstrues, trois périodes de menstrues. Donc, c'était ça, c'est un exemple de délimitation de la idda. Et ça, c'est rapporté par Ibn Majah et à d'autres également hadiths à ce sujet-là. Il dit « Wa amma al-hikma ». Donc, on a expliqué l'épreuve du Coran et de la sunna. Et yani, le Cheikh dit ensuite « Wa amma al-hikma fi mashru'iyyat al-idda fa hiya istibra'u rahim al-mar'a min al-hamli ». لئلا يحصل اختلاط الأنساب وكذلك إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع إذا ندم وكان الطلاق رجعيا. Donc le Cheikh dit parmi les sagesses d'avoir installé, d'avoir fait en sorte qu'il y ait une idda. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a voulu qu'il y ait une idda lors du divorce? Il dit, c'est pour être certain que la femme, dans son ventre, il n'y a pas de bébé. Hein? Comme ça, quand la femme, par exemple, elle attend trois périodes de menstrues, eh bien, on est certain qu'elle n'est pas enceinte au moment qu'elle va divorcer. Hein? Et comme ça, les liens de parenté vont être préservés. Il dit, pour pas qu'il y ait des mélanges dans les liens de parenté. Il dit, وَكَذَلِكَ إِتَاحَةُ الْفُرْصَةِ لِلزَّوْجَ الْمُطَلِّقِ. Donc, c'est pour également donner l'opportunité ou la possibilité au mari qui a divorcé sa femme de la reprendre si jamais il a des remords de l'avoir divorcé. Et ça, c'est lorsque le divorce en question est un divorce où il y a possibilité de la reprendre. C'est-à-dire lorsqu'il l'a divorcé moins que trois fois. Il ne l'a pas divorcé trois fois. Donc, il peut la reprendre. وَمِنَ الْحِكْمَةِ أَيْضًا تَعْظِيمُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَأَنَّ لَهُ حُرْمَةً وَتَعْظِيمُ حَقِّ الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ. Et également, parmi les sagesses qui sont reliées au fait qu'il y ait une période de idda que Allah subhanahu wa ta'ala a établie dans le divorce, c'est de montrer à quel point on doit respecter le contrat de mariage. Et que le contrat de mariage, c'est quelque chose de très important et c'est obligé de le respecter. Ça veut dire que c'est pas comme ça, l'homme il dit je te divorce, la femme elle est divorcée, automatiquement elle part, elle disparaît, sans tenir compte de rien d'autre. Non. Comme malheureusement beaucoup de musulmans aujourd'hui ils le font. Ils prononcent le divorce, la femme elle s'en va direct, elle attend même pas, elle fait pas d'idda, elle part, elle quitte, alors que dans la charia, yani, quand la femme est dans sa idda, et qu'elle est raja'iya, elle doit rester chez son mari jusqu'à la fin de la idda. Et elle reste sous sa charge jusqu'à la fin. Hein, pendant trois menstrues. Donc ça, c'est un exemple. Et il dit donc ça, ça montre l'importance et le respect qu'on doit donner au contrat de mariage. Et il dit que également le droit du mari est très important, hein, celui qui a divorcé. Donc il a un droit et ça, ça montre son droit. Hein, ça montre son droit et ça montre que c'est lui le chef de la femme. Hein. Et pas le contraire. Il dit وَفِيهَا أَيْضًا صِيَانَةُ حَقِّ الْحَمْلِ فِيمَا لَوْ كَانَتِ الْمُفَارَقَةِ حَامِلًا فِيمَا لَوْ كَانَتِ الْمُفَارَقَةُ حَامِلًا وَبِالْجُمْلَةِ فَالْعِدَّةُ حَرِيمٌ لِلنِّكَاحِ السَّابِقِ. Donc le cheikh il dit également, parmi les sagesses qui sont reliées à la idda, c'est de préserver le droit du bébé que la femme porte au moment du divorce si jamais elle était enceinte. Peut-être que le fait que l'homme, par exemple, il prononce le divorce pendant que sa femme est enceinte, le temps d'attente de 9 mois qu'il doit avoir pour la idda pendant cette période-là, si c'est une femme qui est dans... qui est raj'iyya, c'est-à-dire son divorce il est moins que 3 fois. Alors dans ce cas-là, ça lui donne beaucoup de temps pour réfléchir et avoir des remords et se réconcilier avec sa femme et la reprendre. Hein? Surtout qu'elle est enceinte. Donc tu dis, ah, c'est la mère de mon enfant, elle va avoir mon enfant, donc je vais la garder, je ne vais pas la divorcer. Pourquoi je vais la divorcer? Hein? Donc ça, c'est une sagesse. Il y a une sagesse là-dedans. Et de façon générale, la idda, c'est pour préserver et pour montrer à quel point le mariage précédent est sacré. C'est pas quelque chose, on s'en sort comme ça, n'importe comment ou à l'aveuglette. Malheureusement, beaucoup de jeunes, hein, aujourd'hui, ils ne comprennent pas ça. Hein. Ils pensent comme si c'est comme si c'était un détail. Et surtout, des fois, des jeunes qui, parmi les convertis, là, hein, qui, avant l'islam, parmi eux, certains, peut-être, ils avaient des habitudes mauvaises, hein, de fréquentation avec des femmes, des choses comme ça. Donc, quand ils rentrent dans l'islam, ils veulent continuer à suivre certaines de leurs mauvaises habitudes précédentes. Et donc, ils prennent le mariage comme un jeu. Et il marie aujourd'hui, il divorce demain. Et il y a des fois même, c'est pas les garçons seulement, même les filles sont comme ça malheureusement. Elles divorcent aujourd'hui, elles marient aujourd'hui, elles divorcent demain. Pour un oui ou un non, pour un n'importe quoi. Hein? Elle a pas aimé tel ou tel petit détail. Hein? Ah non, je veux divorce-moi, je veux rien, je veux pas, je veux plus rester avec toi. Elle veut rien, elle supporte rien. Elle s'est mariée. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Elle a opposé ses parents, opposé sa famille, opposé tout le monde qui lui disait non, ne marie pas cette personne. Et elle s'est entêtée pour vouloir se marier absolument. Et là, le lendemain, elle se marie. Finalement, elle passe une journée ou deux avec la personne. Ah! Ok, elle s'en va. Yani, subhanallah, tu dis waouh, comme ça, aussi rapidement. Donc, ça c'est grave. Bon, l'immaturité, des fois c'est des problèmes psychologiques, des fois c'est toutes sortes d'autres. D'autres fois c'est d'autres raisons. Mange après. Mange en premier, quand tu as fini de manger. Après, tu vas venir t'asseoir pour écouter le dars. Et là, si tu as une question, là, tu poseras la question. Alors, garde ta question, écris-la sur un papier. Et tu me l'enverras la prochaine fois, tu me donneras. Inch'Allah. Naam. Et donc, c'est ça. Il faut faire attention à ça. C'est des choses graves. Et le mariage, ce n'est pas un jeu. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein? Et il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Après, le cheikh, il dit, « وَأَمَّا من تلزمها العدة فالعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها بشرط أن يكون الزوج المفارق لها قد خلا بها وهي مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها سواء كانت الزوجة حرة أم أمة حرة أو أمة وسواء كانت بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها. Donc le cheikh il dit, c'est quelle femme pour qui la idda est imposée? C'est-à-dire, c'est quelle parmi les femmes qui doit respecter la idda ou qui doit faire une idda? Dans quelle catégorie de femmes qui doit faire une idda, une période d'attente? Il dit, il est obligatoire à toute femme de faire la idda lorsque son mari l'a divorcée. Soit par un divorce, c'est-à-dire il a prononcé le divorce, ou à cause d'un khul', une annulation du mariage, ou bien une demande d'annulation du mariage de la part de la femme, et que cette annulation-là a été exécutée, ou bien soit par une demande de la part de la femme, elle demande à son mari de la divorcer avec une compensation en échange. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-khul', ou bien al-fasr. Al-fasr, c'est l'annulation du mariage lui-même. Ou bien que son mari est décédé. Donc c'est ces catégories-là parmi les femmes qui doivent faire une idda. À condition que le mari qui les a divorcées ou dont elles se sont séparées, se sépare d'elles, alors qu'il a été isolé avec elles. Il a eu un rapport avec elle ou bien il a été isolé avec elle alors qu'il a la capacité d'avoir de faire l'acte sexuel avec elle. Physiquement, il est capable. Il n'est pas handicapé ou impuissant ou des choses comme ça. Et peu importe que la femme en question ou l'épouse en question ait été une femme libre ou esclave et peu importe que la femme avec qui il a été marié soit pubère ou non, du moment que c'est une femme avec qui il est possible d'avoir des relations intimes. Donc à partir de ce moment-là, cette femme-là, elle doit faire la idda. Mais si par exemple quelqu'un s'est marié avec une femme et qu'il n'a jamais rencontré cette femme-là en privé, il n'a jamais été isolé avec elle, il n'a jamais consommé le mariage, alors là c'est autre chose. Il n'y a pas de idda dans ce cas-là. Il dit ensuite le cheikh وَأَمَّا مَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا حَيًّا بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعتدونها ومعنى تعتدونها أي تحصنونها بالأقراء أو الأشهر ومعنى تمسوهن أي تجامعوهن فدلت الآية الكريمة على أنه لا عدة على من طلقت قبل الدخول بها ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب لأنه لا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم. Donc le cheikh il dit, tandis que, comme je disais, toute épouse qui a été divorcée alors que son mari est vivant, que ce soit par un divorce ou bien par un khul ou autre, avant qu'il ait consommé le mariage ou avant qu'il se soit isolé avec la femme, alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'idda pour la femme. Si il l'a divorcée avant qu'il se soit isolé avec elle ou bien avant qu'il ait consommé le mariage. De façon générale, un lama, il considère que si un homme s'est isolé avec la femme, que c'est comme si le mariage a été consommé, même s'il n'y a pas eu de consommation du mariage lui-même. Et le cheikh, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 49 dans Sourate Al-Ahzab, ô vous qui avez cru, lorsque vous épousez les croyantes, et que, puis que vous les divorciez, avant de les avoir touchées, alors vous n'avez pas dans ce cas-là de idda que vous devez leur faire respecter, en calculant les nombres de jours, les nombres de mois ou les nombres de périodes de menstrues. Et quand il dit et que, avant que vous les ayez touchées, c'est-à-dire d'avoir des rapports intimes avec elles, c'est-à-dire des relations sexuelles. Le cheikh, il dit, Fadallatil ayatul karima. Donc, ça, c'est la preuve dans ce verset-là, ce noble verset, il prouve que il n'y a pas d'idda pour la femme qui a été divorcée avant qu'il y ait eu isolement ou consommation du mariage, ou isolement avec la femme. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet-là entre les hommes de savoir et de science. Tous les ulamas sont d'accord sur ça. Et le fait que dans le verset, Allah ait mentionné les croyantes, إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, il dit le cheikh que ça c'est pour dire que c'est la règle générale ou qu'est-ce qui est le plus courant. Sinon, il n'y a pas réellement de différence entre le fait que les épouses en question soient croyantes ou des femmes parmi les femmes des gens du livre, chrétiennes ou juives, elles doivent elles aussi respecter ça. Donc, si c'est une femme parmi les gens du livre que tu as épousée et que c'est une juive ou une chrétienne et que tu ne l'as pas encore, disons que tu n'as pas encore été isolé avec elle et que tu n'as pas encore consommé le mariage, eh bien, à partir de ce moment-là, si tu la divorces, eh bien, elles n'ont pas d'idda à respecter. Tandis que s'il y avait consommation, ou bien s'il y avait isolement ou consommation, alors dans ce cas-là, il y aurait une idda, même pour les femmes des gens du livre. D'accord? Et le cheikh, il dit, « Wa amma al-mufaraqatu bil-wafa, fata'taddu mutlaqan, sawa'a kanat al-wafa qabla al-dukhul ou ba'dahu. » لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولم يرد ما يخصصها. Il dit le cheikh que tandis que la séparation qui a été causée par le décès du mari, alors dans ce cas-là, la femme doit de façon générale faire une idda, peu importe que l'homme ait consommé le mariage ou non. Peu importe qu'il y ait eu une consommation du mariage ou non, du moment que la femme, on a fait le contrat de mariage et que son mari meurt, le mari meurt, l'époux meurt, alors la femme doit faire une période de idda, peu importe, même s'il n'a pas été isolé avec elle, même s'il n'a pas prononcé de. Yani, même s'il n'a pas été isolé avec elle, même s'il n'a pas. Consommer le mariage, elle doit, la femme, dans ce cas-là, faire cette idda de 4 mois et 10 jours. Parce qu'il n'y a rien qui vient restreindre ou limiter l'application de cette idda-là, pour ce cas-là. Ensuite, le cheikh, il dit, وَأَمَّا أَنْوَعَ الْمُعْتَدَّاتِ فَهُنَّ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ سِتُّونَ. En ce qui concerne les différentes catégories de femmes qui doivent faire une idda, elles sont, de façon résumée, 6 catégories. 6 catégories de femmes. Donc, la première, c'est al-hamil, c'est-à-dire la femme qui est enceinte. La deuxième, al-mutawaffa anha zawjuha min ghayri hamlin minhu, c'est-à-dire la femme dont l'époux est décédé sans qu'elle soit enceinte de lui. Wal-ha'il allati tahidu wa qad furiqat fil hayati, la femme qui est ha'il, c'est-à-dire qui a pas de règles, qui est pas enceinte, la femme qui est ha'il, on dit c'est celle qui n'est pas enceinte, c'est-à-dire celle qui a ses règles, ses périodes de menstrues, et qui a été divorcée pendant que son mari est vivant, pendant la vie de son mari. Il dit wal ha'il allati la tahidu li sigarin aw iyasin wa hiya mufaraqatun fil hayati. La femme qui n'est pas enceinte, mais qui n'a pas de règles, parce que soit elle est trop jeune, ou soit elle est ménopausée. Donc ça fait 4. وَمَنْ اِرْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِي مَا رَفَعَهُ. De même que celle qui n'a pas de règles, mais ce n'est pas à cause de la ménopause. On ne sait pas pourquoi ces règles se sont interrompues sans qu'on sache une raison. Peut-être pour une maladie ou bien pour un autre exemple. Wamra'atul mafqoud. La femme dont le mari, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire, il est perdu. Comme on dit, il est perdu, c'est comme si il est parti, puis il n'est jamais revenu. Des fois, il y en avait, par exemple, qui sont partis à la guerre, qui sont partis quelque part comme ça, en voyage, faire des travaux, faire du voyage. Et on n'entend plus parler d'eux par la suite pendant des années. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme, dans cette cas-là? C'est combien, c'est, ça sera quoi, sa idda? Hein? Donc, en principe, ici, ça fait 6. Hein? Ça fait 6. Vous voulez que je répète? OK. Bon, je recommence. La femme qui est enceinte, la femme dont le mari est mort et qu'elle n'était pas enceinte de lui. Ensuite, il dit, la femme qui n'est pas enceinte et qui a ses règles et qui a été divorcée pendant la vie de son mari. La femme qui n'est pas enceinte mais qui n'a pas de règles parce qu'elle est trop jeune ou bien parce qu'elle est ménopausée et qui a été séparée pendant la vie de son mari. La femme qui n'a plus ses règles à cause d'une maladie ou quelque chose qu'on ne sait pas pourquoi, mais elle n'a plus ses règles. Donc ça va... Et la femme dont le mari est perdu. Hein? Donc ça, c'est les différentes catégories. Et il y a des explications détaillées pour chaque cas de ces différentes femmes-là. Donc maintenant, on va les expliquer. Donc le cheikh, il dit « Falhamilou ». تعتد بوضع الحمل سواء كانت مفارقة في الحياة أو بالموت. Et c'est ça que je voulais mentionner au dernier cours et que j'avais oublié de mentionner en fait par rapport à l'attribution de la paternité du père par rapport à l'enfant, hein, qu'on attribue l'enfant au père. Pour ce qui est de la plus courte période de temps qu'une femme peut accoucher, hein, après avoir été enceinte, c'est 6 mois. Et on a dit que 6 mois, il y avait une preuve à ce sujet-là dans le Coran, en réalité. Et c'est basé sur un calcul que les ulama ont mentionné dans le Coran, le verset dans Sourate Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra » et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa fisaluhu fi amain » Ok, donc « fisaluhu fi amain » c'est-à-dire le fait que la femme, elle va allaiter l'enfant, Allah dit « L'allaitement, c'est pendant 2 ans » et dans l'autre verset, il dit « l'accouchement et l'allaitement pendant 30 mois. Donc, quand tu calcules 30 mois, ça équivaut à quoi? 12 mois, c'est une année. Donc, 24 mois, c'est 2 années. Et 24 ans plus 6, ça fait 30. Donc, la période de yani hamlou, c'est lorsque la femme est enceinte, donc c'est la grossesse, wafisaluhu, et son allaitement est, pendant 30 mois. Donc, 30 mois, ça fait 2 ans et 6 mois. Donc, ça veut dire que le plus court période qu'une femme peut accoucher, c'est 6 mois. Et ça, c'est basé sur le Coran. Tandis que le plus longue période de grossesse, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. On avait dit 4 ans. Ça, c'est basé sur l'ijtihad des ulama. Mais en fait, ce n'est même pas l'ijtihad des ulama, comme je disais. Ce n'est pas l'ijtihad, c'est basé sur qu'est-ce que les gens ont trouvé dans l'histoire ou dans les exemples qu'ils ont trouvés. Et par exemple, je lisais dans un livre, il mentionnait que l'imam Malik, les femmes de telle tribu, parmi les Arabes, parfois elles portaient des enfants et leur grossesse durait jusqu'à 4 ans. Et comme certains, parfois ils ont mentionné que ça peut être même plus que ça. Mais la règle générale, ça c'est des cas exceptionnels, la règle générale c'est 9 mois. C'est ça qu'est-ce qui est marouf. Et en passant, les savants, les médecins, ils savent pas qu'est-ce qui détermine ou qu'est-ce qui fait que la femme, elle perd ses os puis que ça s'ouvre comme ça là. Comment ça se déclenche? Qu'est-ce qui fait que ça se déclenche à tel moment? Ils savent pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a déterminé que c'est comme ça. Mais en général, quand le bébé arrive à son terme, hein, l'accouchement se déclenche. Les contractions et tout. Bon, pour revenir à notre sujet ici, donc le cheikh il explique, il dit fal-hamil ta'taddu bi-wad'i al-haml sawa'a kanat mufaraqatun fil-hayat aw bil-maut. Li qawlihi ta'ala وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فدلت الآية الكريمة على أن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها سواء كانت متوفى عنها أو مفارقة في الحياة وذهب بعض السلف إلى أن الحامل المتوفى عنها تعتد بأبعد الأجلين ولكن حصل الاتفاق بعد ذلك على انقضاء عدتها بوضع الحمل. Donc le cheikh, il dit, la femme qui est enceinte, sa idda, hein, c'est peu importe que ce soit à cause d'un divorce pendant que son mari est vivant ou que son mari soit mort. Donc peu importe que ce soit l'une des deux, sa idda, c'est l'accouchement. Une fois qu'elle accouche, sa idda est finie. Et la preuve de ça, c'est le verset 4 qu'on a lu tout à l'heure dans Sourate At-Talaq, et les femmes qui sont enceintes, le terme de leur idda, c'est lorsqu'elle accouche. Et le cheikh il dit que ce verset-là, il prouve donc que la idda pour la femme enceinte se termine lorsqu'elle accouche, peu importe que ce soit à cause du décès de son mari ou parce qu'il l'ait divorcé pendant sa vie. Et certains parmi les salafs ont considéré que la idda de la femme enceinte devait être la plus longue des deux périodes. C'est-à-dire, soit, yani soit l'accouchement, ou soit la plus longue des deux périodes par rapport à, je pense, par rapport au fait que la idda de la femme dont le mari est décédé. Mais par la suite, l'accord a été établi sur le fait que la idda de la femme enceinte, c'est par le fait que elle accouche qu'il se termine sa idda. Le cheikh il dit ensuite: "Walakin laysa kullu hamlin tanqadi bi wad'ihi al-idda, wa innama al-muradu al-haml alladhi قد تبين فيه خلق إنسان. أما لو ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة فَإِنَّهَا لَا تَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةِ. Donc le cheikh il dit, mais par contre, l'accouchement qui va faire terminer la idda, c'est pas n'importe quel, c'est pas dans n'importe quel cas. Hein? Il dit, on parle uniquement du cas de la femme qui accouche d'un enfant dont on peut distinguer les signes d'un être humain. Mais si, par exemple, c'est une fausse couche, comme par exemple une femme qui a une fausse couche et qu'elle perd son bébé alors qu'il n'a pas encore commencé à être développé, alors dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme étant la fin de sa idda. Ce n'est pas considéré, la fausse couche ne sera pas considérée comme étant la fin de sa idda dans ce cas-là. Et il dit, وَكَذَلِكَ يَشْتَرِطُ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ أَنْ يَلْحَقَ هَذَا الْحَمْلِ بِالزَّوْجِ الْمُفَارِقِ فَإِنْ لَمْ يُلْحَقْ هَذَا الْحَمْلِ الزَّوْجَ الْمُفَارِقِ لِكَوْنِ هَذَا الزَّوْجِ لا يولد لمثله لصغره أو لمانع خلقي أو تكون قد ولدته لدون ستة أشهر منذ عقد عليها وأمكن اجتماعه بها وعاش هذا المولود فإنها لا تنقضي عدتها به منه لعدم لحوقه به. Donc ici, on revient au sujet dont on a parlé la semaine passée, là. وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةِ أَشْهُرُ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. فَإِذَا أَسْقَطْنَا مُدَّةَ الرِّضَاعِ وَهِيَ حَوْلَان أي 24 شهراً من 30 شهرا من 30 شهرا يبقى 6 اشهر وهي اقل مده الحمل وما دونها لم يوجد من يعيش لدونها واما اكثر مده الحمل فموضع خلاف بين اهل العلم والراجح انه يرجع فيه الى الوجود قال قال الموفق ابن قدامة ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد الخمس سنين وأكثر انتهى كلامه وغالب مدة الحمل 9 أشهر لأن غالب النساء يلدن فيها فاعتبر ذلك. Ok, donc le cheikh il dit, de même que une des conditions pour que la idda de la femme soit l'accouchement lorsqu'elle est enceinte, c'est que l'enfant qu'elle porte soit yani, l'enfant du mari qui l'a divorcé. Hein? Et si cet enfant-là ne lui est pas attribué, comme on a mentionné les exemples, soit parce que, par exemple, l'enfant... Le mari ou le père qui l'a divorcé, il est trop petit pour être capable justement d'avoir un enfant, hein? Ou bien que il n'a pas été possible pour lui d'avoir cet enfant-là parce que il est moins que 6 mois, il a accouché en dedans de moins de 6 mois, donc ça peut pas être son enfant, et que il faut qu'il y ait eu la possibilité qu'il se soit rassemblé ou réuni avec elle, hein? Et que cet enfant-là vive. Alors, ça veut dire que ce ne sera pas son enfant si c'est en moins de 6 mois qu'il a été né. Hein? Donc, la idda de cette femme ne va pas terminer après l'accouchement, dans ce cas-là, parce que l'enfant ne lui est pas attribué. Il dit وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ, on dit la période la plus courte de l'accouchement, et de la grossesse plutôt, la période la plus courte de la grossesse, c'est 6 mois, à cause des deux versets qu'on a mentionnés tout à l'heure, le verset 15 dans Sourate Al-Ahqaf, hein, c'est-à-dire la grossesse et l'allaitement qui est mentionné de 30 mois, puis dans l'autre verset, hein, le verset 233 dans Sourate Al-Baqarah, qui mentionne Hawlain Kamilain, 2 ans complètes, ça veut dire 24 mois. Donc 30 moins 24, ça fait 6. Et c'est comme ça que les ulama ont établi que la plus courte durée d'une grossesse est de 6 mois. Hein? Et il dit, tandis que la période la plus longue, eh bien, c'est une question de divergence entre les hommes de science. Et la période, le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est le plus correct? C'est qu'on retourne à qu'est-ce qui existe dans cette question-là. Et il dit, Ibn Qudama, il a dit, lorsqu'il n'y a pas un texte clair et explicite pour déterminer une durée quelconque, alors on retourne à quoi? On retourne à qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on retrouve? Et on a trouvé parfois des femmes qui ont accouché après 5 ans ou plus. Et donc ça c'est mentionné par Ibn Qudama dans Al-Mughni. Sauf que Cheikh Al-Fawzan il dit, mais qu'est-ce qui est le plus habituel et le plus connu en général, c'est que la période d'accouchement, de grossesse, c'est de 9 mois. Et c'est la plupart des femmes, c'est comme ça. Donc, c'est ça qu'on tient, c'est ça qu'on prend en considération. Non. Ouais, c'est des cas que les ulama ont mentionné qu'il y a eu des femmes qui ont été enceintes pendant plusieurs années. Elles n'ont pas accouché tout de suite. Elles ont accouché après plusieurs années. Donc, si ça arrive, des choses comme ça qui sont exceptionnelles, eh bien, dans ce cas-là, on va pas dire, ah, ben, ça fait 4 ans, donc c'est pas son enfant. Non, on va dire, oui, c'est son enfant, même après 4 ans, parce qu'il n'y a pas eu d'autre homme avec qui elle a pu avoir cet enfant-là, puisqu'elle n'était pas en contact avec aucun autre homme que lui. Non. Donc, ça, c'est ça. Puis aussi, des fois, les ulama, ils mentionnent, par exemple, des cas où, par exemple, bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça a été mentionné. Il y a une femme, par exemple, qui s'est assise sur un endroit, par exemple, dans les endroits où elles vont, par exemple, pour se laver ou bien des endroits comme ça. Puis, il y avait des restants de liquide de sperme ou des choses comme ça. Puis, elles se sont assises à ces endroits-là. Puis, elles sont tombées enceintes à cause de ça. Il y a des cas exceptionnels comme ça pourrait arriver, on ne sait jamais. Donc, en tout cas. Après, le cheikh, il dit, وهذا هذا وللحمل حرمة في الإسلام في الشريعة الإسلامية فلا يجوز الاعتداء عليه والإضرار به وإذا سقط ميتا بعدما نفخت فيه الروح بسبب الجناية عليه وجبت فيه الدية والكفارة وإذا وجب على الحامل حد شرعي من جلد أو رجم أخر تنفيذ الحد عليها حتى تلد ولا يجوز لأمه أن تسقطه بشرب دواء ونحوه كل ذلك مما يدل على شمول هذه الشريعة وأنها تراعي حتى الأجنة في البطون وتجعل لهم حرمة فالحمد لله رب العالمين على هذه الشريعة الكاملة العادلة ونسأله أن يرزقنا التمسك بها والعمل بأحكامها مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Donc le cheikh il dit que on voit donc que dans l'islam et dans la charia de l'islam le fœtus il a son respect, hein? Il a ses droits et son respect, et il n'est pas permis de transgresser contre le fœtus ou de lui faire du tort. Et si il est mort, si par exemple le fœtus, il a été une femme se fait avorter, par exemple, elle se fait avorter après que l'enfant ait reçu son âme, c'est-à-dire après 4 mois, à cause justement du crime que la femme a fait d'avoir commis ce crime-là, d'avoir avorté, alors il est obligatoire dans ce cas-là que le prix du sang soit payé et ainsi qu'une expiation. et il est obligatoire si, par exemple, une femme, elle a commis le zina et on a amené les quatre témoins et qu'elle est enceinte. Eh bien, dans ce cas-là, on ne va pas la lapider ou la fouetter, excepté après qu'elle ait accouché l'enfant. Pourquoi? Parce que le respect du fœtus fait qu'on ne peut pas appliquer sur elle la peine tant qu'elle n'a pas accouché. Même qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la femme est venue et qu'elle était accouchée, qu'elle était enceinte, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Reviens quand le bébé sera né ». Et quand il est revenu avec le bébé, il a dit « Reviens quand il va avoir fini d'allaiter ». Et quand il est revenu une fois encore, il était en train de manger un morceau de pain. Elle a demandé que la peine soit appliquée sur elle. C'est d'elle-même qu'elle est venue, hein, pour demander ça. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué la peine sur elle à ce moment-là, mais pas avant. Donc on a retardé l'exécution de la peine jusqu'à ce que la femme accouche. Donc il n'est pas permis pour la femme de se faire avorter, que ce soit par le fait de prendre une substance quelconque ou un produit pour faire tomber le bébé ou pour faire provoquer une fausse couche, ou bien par autre moyen que ça. Ce n'est pas permis. La femme, elle n'a pas le droit, hein, de se faire avorter dans l'islam. Si c'est avant les quatre premiers mois, ce ne sera pas aussi grave. Si c'est avant les quatre mois, parce que l'âme n'a pas été encore soufflée à ce moment-là. Donc, ce sera moins grave, mais n'empêche que c'est grave quand même aussi. Hein? Et le cheikh, il dit, tout ça, ça indique à quel point la charia, elle est complète et comment elle tient compte du respect des fœtus dans les ventres. Hein? Et elle lui donne un aspect, elle lui donne un statut sacré, hein, qu'on n'a pas le droit de porter atteinte, hein, contre ça. Et aux États-Unis, ça crée toujours des conflits, ces histoires, les pro-choix et les pro-vie. Ils veulent tous être pro quelque chose. Ils ne veulent pas être contre, anti-vie. Il n'y a personne qui veut dire être anti-vie, donc il s'appelle pro-choix. À la kulli hal, nous, notre religion nous détermine et nous explique ces questions-là. On n'a pas le droit de se baser sur qu'est-ce qu'eux, ils ont comme problème pour déterminer quoi que ce soit dans la charia. Et une chose qui est importante à constater et à remarquer en même temps aussi, c'est que les koufars, par exemple, eh bien, les femmes, parmi les femmes koufars, celles qui vivent dans la débauche, parce que c'est une forme de débauche en réalité, c'est de la perversité. Elles vivent dans le zina et dans le haram, et elles ont multitude de partenaires avec qui elles ont des relations hors mariage. Puis elles pensent que, bon, des fois elles prennent des précautions pour soi-disant des pilules pour pas tomber enceinte ou bien d'autres moyens. Et quand elles tombent enceintes, elles disent « Ah, mais là je vais me faire avorter parce que sinon j'aurai plus ma liberté, j'aurai des responsabilités, je vais devoir arrêter de m'amuser, de sortir, d'étudier ou de finir ma carrière à cause d'un enfant. » Donc, elle décide automatiquement de mettre fin à cette grossesse-là. Mais pourquoi? Parce que le but déjà à la base, pourquoi elle a eu cet enfant-là, c'est comme pour elle un accident. Hein? Ils ont dit « Ah, ça c'est un accident. » Hein? Et des fois, il y en a qui continuent, qui décident d'avoir l'enfant, puis après ils disent à leurs enfants plus tard « Ah, oh, toi, t'étais juste un accident. » Hein? Ouais, peut-être pour elle, t'es un accident. Pour Allah, t'es pas un accident parce que Allah, il a voulu que tu existes. S'il n'aurait pas voulu, tu n'aurais pas existé. Donc, t'es pas un accident. D'accord? Donc, C'est ça. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait parlé de al-azl. Al-azl, c'est quoi? C'est traduit en... Ils utilisent les koufars un mot latin pour expliquer que c'est... Yani le quatuus interruptus, ils disent c'est quand quelqu'un, par exemple, il a un rapport sexuel avec une femme, puis avant l'éjaculation, il se retire. Alors, les sahabas ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ça. Il y a même un hadith qui dit « Kunna na'zil wal Qur'an yanzil ». C'est-à-dire, on pratiquait le quatuus interruptus alors que le Qur'an était révélé. Donc, ça veut dire que c'était pas interdit de le faire. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce sujet-là, il dit « Même si... » Parce que c'était comme un moyen de contraception, soi-disant. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Mais si Allah a décidé que l'enfant va naître, il va naître quand même. » Parce que même malgré le quatuus, là, soi-disant, tu te retires avant, mais il y en a toujours des fois une petite partie qui peut rentrer et le sperme donc qui est là, même dans le liquide séminal, là, eh ben, il y en a parfois une quantité de spermatozoïdes dedans et ça peut même permettre à la femme d'être enceinte malgré ça. Donc, ça veut dire, même dans des cas où quelqu'un il se retirerait, par exemple, avant l'éjaculation, et que Allah a prédestiné qu'il va y avoir un enfant, l'enfant va naître quand même. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accident dans ces choses-là. Tout ce qui arrive dans ces choses-là, c'est par le qadar. Il n'y a pas de doute. Naam. Donc, ayant dit ça, le cheikh, il dit donc que ça montre que, alhamdoulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, il a établi ses lois dans sa charia de façon parfaite et de façon juste. Et on lui demande donc de nous donner hein, la possibilité de rester accroché à cette charia, de continuer à appliquer ses règles en étant sincère dans la religion pour Allah, même si cela déplaît aux kuffars, même si cela déplaît au kuffar. Ensuite, le cheikh il dit wal mutawaffa anha idha kanat ghayru hamil ta'taddu 14 ashhurin wa 10 ayyam sawa'a kanat wafatuhu qabla ad-dukhuli biha aw ba'dahu wa sawa'a kanat az-zawja mimma yuta'u mithluha am la wa dhalika li'umumi qawlihi ta'ala wal-ladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. Donc, le cheikh, il dit ensuite, tandis que la femme dont l'époux est décédé et qu'elle n'était pas enceinte, elle doit faire une idda de 4 mois et 10 jours. C'est qu'est-ce qu'on appelle aussi al-hidad. Hein? Al-hidad, c'est-à-dire la période de veuvage. Hein? Et donc, les 4 mois et 10 jours, peu importe que le décès de la femme ait été avant l'isolement ou la consommation du mariage, ou après. Du moment qu'elle est une épouse de cet homme, hein, même si c'est une femme dont on ne peut, avec laquelle on ne peut pas encore avoir des rapports intimes, si elle est trop petite, par exemple, ou des choses comme ça. Parce que des fois, parmi les exemples, des fois, un homme peut faire un contrat de mariage avec une famille, par exemple, pour leur fille, même si elle est jeune, puis ils attendent jusqu'à ce qu'elle atteigne la puberté. Hein, après ça, elle va habiter avec son mari. D'accord? Donc, si pendant cette période-là où elle était encore trop petite pour avoir des rapports intimes avec son mari meurt, eh bien, dans ce cas-là, elle a encore. Elle doit quand même respecter la date de 4 mois et 10 jours. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 234 dans Sourate Al-Baqarah. Hein, ceux dont les époux meurent et qui laissent des épouses, elles doivent attendre une période de 4 mois et 10 jours. Et le cheikh, il dit, « Wa qala al-allamatu ibn al-qayyim, iddatu al-wafati wajibatun bil-maut, dakhala aw lam yadkhul biha. » لعموم القرآن والسنة واتفاق الناس وليس المقصود من عدة الوفاة استبراء الرحم ولا هي تعبد ولا هي تعبد محض لأنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقلها من عقلها يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique et il dit que l'imam Ibn al-Qayyim a mentionné que la idda de la par le décès c'est obligatoire au moment de la mort du mari, peu importe que l'homme ait consommé ou été isolé avec la femme ou non, à cause des preuves générales dans le Coran, dans la Sunna et l'accord des musulmans à ce sujet-là. Et le but de cette idda, c'est pas seulement de vérifier que la femme elle n'a pas eu d'enfant ou elle n'était pas enceinte. Et ce n'est pas non plus purement dans le sens de l'adoration. C'est-à-dire, ce n'est pas purement religieux dans le sens de l'adoration. Comme par exemple, quelque chose, Allah peut l'ordonner uniquement parce qu'il veut nous éprouver ou tester par quelque chose. Donc, il dit que ce n'est pas juste pour ça. Et il dit qu'il n'y a rien dans la charia qui a un seul jugement ou un seul verdict, excepté qu'il y a une sagesse et une autre signification. Peut-être qu'on peut le comprendre ou parfois on n'arrive pas à le comprendre. Peut-être que ça peut échapper à certains et ne pas échapper à d'autres. Mais, yani, de toute manière, on sait qu'il y a une sagesse là-dedans. Hein? Fin de la citation de l'imam Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. Après le cheikh, il dit « Wa qala al-wazir wa ghayruhu اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا أربعة أشهر وعشرة انتهى كلامه. Donc il dit Al-Wazir, un parmi les ulama, et d'autres également parmi les ulama ont dit, les savants sont tous d'accord que la idda de la femme dont l'époux est décédé, tant qu'elle n'est pas enceinte, c'est de 4 mois et 10 jours. Hein? Donc, il y a un accord là-dessus. Ensuite, il dit, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Wal-ama al-mutawaffa anha ta'taddu nisfa hadihi al-muddat al-madhkura fa'iddatuha shahran wa khamsat ayyam bilayaliha lianna as-sahaba radiyallahu anhum ajma'u ala tansifi iddat al-ama fi al-talaqi fakadha iddat al-maut. » وقال ابن الموفق قال الموفق ابن قدامة في قول عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي نو باردون ومنهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي وقال في المبدع أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة. Donc le cheikh il explique, il dit que tandis que l'esclave dont le mari est décédé, elle, sa idda, c'est la moitié de la idda de la femme libre. Ça veut dire que au lieu d'être 4 mois et 10 jours, ça va être 2 mois et 5 jours. Hein? Et il dit, parce que les sahaba, ils sont tous d'accord sur le fait que la idda de l'esclave pendant le divorce, elle est de la moitié de la idda de la personne, de la femme libre. Et donc, c'est la même chose pour la idda à cause du décès. Et Ibn al-Muwaffaq, al-Muwaffaq Ibn Qudama, un des ulama, des grands ulama, parmi les savants de ulama de Hanabila, Ibn Qudama, il dit que c'est la parole de la majorité des hommes de science. Parmi eux, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et Ashab al-Ra'i. Et c'est-à-dire Al-Hanafiyya. Hein, en général, Ashab al-Ra'i, ça veut dire Al-Hanaf. Et il dit, وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ Al-Mubdi' c'est Ibn Muflih. Hein, Ibn Muflih qui l'a écrit, je pense. Ou bien Al-Mubdi' c'est un autre. Oui, c'est un autre. C'est pas Al-Mubdi' Ibn Muflih, c'est un autre livre. Je me mélange. Donc, il dit Ajma' al-Sahaba, Donc, un autre parmi les ulama du madhhab al-Hanbali, ils ont dit, les sahaba sont tous d'accord que la idda de l'esclave, c'est la moitié de la idda de la femme libre. Hein? Sinon, le texte du Coran, le verset, à ce sujet-là, il est général. Naam. Ensuite, le cheikh, il dit, ولهذا ولعدة الوفاة أحكام تختص بها. Donc là, il va parler des règles de la femme dont le mari est décédé. C'est les règles qu'on appelle al-hidad. Al-hidad. Et ça, c'est le veuvage. Ça, on va en parler la semaine prochaine, inshallah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ok. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته